L'aménagement de la route à cet endroit est un peu particulier. Dans le sens inverse de circulation, on aperçoit une voie de stockage pour tourner à droite et une voie pour continuer tout droit. Cette voie me permet de continuer tout droit. Celle-ci est une voie de stockage pour tourner à gauche. Ces flèches permettent aux usagers qui viennent de gauche de tourner à gauche et de s'insérer dans la circulation par cette voie sans provoquer aucune gêne. Il est trop tard pour que je prenne la voie de stockage et il m'est interdit de l'utiliser pour dépasser. Réponse B et D.